je sais pas quoi. Au IAC, qui est un laboratoire de psychologie. Ouais. Bref. Donc elle est doctorante, elle fait sa thèse qui s'intitule « La répression des mouvements populaires à Paris au XVIIIe siècle, une analyse des archives judiciaires du point de vue du genre ». Et vous avez peut-être vu qu'il y a un texte sur le site internet de Deborah Cohen, il est maintenant sur le site, il n'était peut-être pas quand vous avez regardé, sur lequel elle va s'appuyer pour faire sa présentation. Merci Clara, à toi. Merci. Bah, merci de me donner l'occasion de venir présenter mes travaux ici. Alors, la communication, je l'avais intitulée « Construction et reproduction d'un point de vue sur le peuple, de point réflexion à partir de la répression de mouvements populaires parisiens au XVIIIe siècle ». Alors, l'idée, à travers ce, comme l'annonce un peu ce titre, c'est d'aborder une question qui est celle de la permanence d'un point de vue sur le peuple, en observant la façon dont s'exprime ce point de vue lors de mouvements particuliers qui sont les actions collectives populaires, les mouvements populaires. Donc un point de vue sur le peuple, c'est-à-dire un point de vue sur les hommes du peuple, qui sont donc particulièrement criminalisés aussi bien au XVIIIe siècle qu'aujourd'hui, et aussi un point de vue sur les femmes du peuple, donc ça j'y reviendrai. Alors, quand je dis permanence, évidemment, je ne postule pas pour autant une linéarité entre le XVIIIe siècle et aujourd'hui. C'est plutôt une façon d'introduire une interrogation du passé à la manière d'une historienne de l'Antiquité que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Nicole Loro, qui avait développé la notion d'anachronisme contrôlé, qui renvoie à deux choses. D'une part, le fait que nos questions sur le passé, évidemment, elles s'enracinent dans le présent. Et d'autre part, aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'à partir de cette étude du passé, on peut revenir, là je la cite, revenir vers le présent, lester de problèmes anciens. Donc avant de vraiment commencer, je voudrais vous donner quelques éléments de définition sur deux, trois notions. Donc sur la question de ce qu'on entend par peuple, évidemment ça n'a rien d'évident. Est-ce que ça renvoie à une définition sociologique? Est-ce que c'est une catégorie politique? Donc ça c'est une question que je vais un peu aborder dans mon exposé. Autre élément de définition, alors quand je dis 18e siècle, je veux parler de ce qui se passe au 18e siècle avant la Révolution française, c'est-à-dire l'Ancien Régime. Donc un régime monarchique dans lequel il n'y a pas d'espace politique institué légitime. Et dernière expression qui demande peut-être une explicitation, c'est celle de mouvement populaire. Alors mouvement populaire, à quoi ça renvoie pour cette époque? Donc on peut les appeler émeutes, révoltes. Ici je vais parler en particulier de ce qu'on appelle les émeutes vivrières ou les émeutes de subsistance. Qui se sont déroulées à Paris. Alors, très concrètement, comment ça se traduit? En fait, ça se traduit par des pillages par le peuple de boutiques de boulangers, de marchés au pain, en période d'augmentation du prix du pain. Alors, aujourd'hui, ça peut parfois sembler un petit peu anecdotique, cette question du pain, mais en fait, ça ne l'est pas du tout, ça l'est pas du tout à cette époque-là, puisque, voilà, on est dans une économie de pénurie. Dès qu'il y a une augmentation du prix du pain, ça signifie qu'une majorité de la population, dont les ressources sont incertaines, va se retrouver à consacrer la quasi-totalité de ses revenus à l'achat du pain. Et évidemment, les crises de subsistance, elles correspondent à des structures économiques et des structures de production qui permettent l'existence de ces pénuries. Des émeutes de subsistance, ça existe encore en France au 19e et au 20e siècle, et quand même nettement moins depuis l'avènement de la société de consommation et des structures de production qui l'ont rendu possible. Mais disons qu'au 18e siècle, c'est le type, si on voulait classer les mouvements populaires, c'est le type de mouvements populaires qui domine. Donc on peut les aborder comme ça par leur cause, donc il y a une cause proprement économique. Et puis, il y a une autre cause qui se profile à la fin du siècle, à partir des années 1660, et c'est notamment le cas lors d'une grande émeute qui se déroule avant la Révolution en 1775 à Paris. c'est qu'à la fin du siècle, l'État commence à entamer une série de réformes qui vont libéraliser le commerce des grains. C'est-à-dire qu'avant, on avait au contraire une réglementation du marché, c'est-à-dire un contrôle des prix, une surveillance des approvisionnements, etc. Et à partir du début des années 1760 et ensuite du milieu des années 1770, au contraire, on a un modèle, des tentatives de libéralisation qui vont se mettre en place et qui vont du coup produire une augmentation assez fulgurante du prix du pain. Donc il y a ces deux types de causes. Voilà. Alors pour l'exposé à proprement parler, j'ai retenu trois points. Donc pour réfléchir à cette question de la permanence d'un point de vue dominant sur l'action collective du peuple et des femmes du peuple, disons que tout d'abord je voudrais expliciter quel est ce point de vue dominant au XVIIIe siècle. Et là, je vais partir d'une analyse des archives judiciaires, qui sont les archives qui ont servi à la répression de ces émeutes, donc par la police et par la justice, au XVIIIe siècle. Et le deuxième point qui va vraiment être le cœur de mon intervention, en fait, il va porter sur la façon dont ce point de vue dominant qui est présent dans ces archives judiciaires va se transmettre. Alors, premier niveau, va se transmettre à l'époque aux contemporains, de quelle manière la justice va transmettre son point de vue aux personnes qui sont là au XVIIIe siècle. Et deuxième niveau, à travers l'historiographie, c'est-à-dire ce qu'ont produit les historiens sur cette question. Donc voilà, ça c'est les deux niveaux du point 2. Et enfin, je voudrais, dans un dernier temps, introduire un petit peu la discussion en essayant de faire un petit peu des liens avec le contemporain, toujours donc sur la question de ce point de vue dominant sur l'action collective du peuple. Et là, je vais parler rapidement de quelques travaux de sociologie qui avaient été produits sur les émeutes de 2005. Et je vais me fonder sur le texte dont parlait Pauline, qui a été mis en ligne sur le site du séminaire, donc je vous résumerai, qui est un texte d'une historienne du XVIIIe siècle qui s'appelle Deborah Cohen, qui a défendu l'idée qu'il existerait des points de vue semblables, ou en tout cas qui pourraient être comparés, qui procéderaient d'une même logique, des points de vue semblables sur le peuple entre le XVIIIe siècle et aujourd'hui, c'est-à-dire dans des sociétés antérieures et postérieures à la révolution industrielle. Et pour elle, la caractéristique, le point commun, c'est que c'est un discours qui va essentialiser le peuple. Et elle pense qu'on assiste actuellement à une renaturalisation du social. Voilà. J'aborde rapidement mon premier point, donc pour expliciter un petit peu quel est ce point de vue dominant, comment il fonctionne dans les archives qui ont servi à la répression de ces mouvements populaires au XVIIIe siècle. Donc voilà, très rapidement, ces archives judiciaires, qu'est-ce que c'est ? C'est toutes les archives qui sont produites par la justice, par la police, dans le but de réprimer ces mouvements populaires. Donc on a des types de documents qui sont très différents. Voilà, on a les interrogatoires des émeutiers et des émeutières qui sont arrêtés, des procès-verbaux qui sont dressés par des commissaires de police qui vont se rendre sur les lieux et rendre compte de ce qu'ils ont vu. On va aussi avoir des dépositions de témoins de l'émeute qui vont être appelés pour témoigner, pour eux aussi rendre compte de l'événement. Mais en gros, ce qu'il y a à retenir sur tous ces différents documents, c'est que ce sont des documents qui donnent accès à ces mouvements populaires à travers le prisme répressif. C'est-à-dire que c'est des documents qui abordent l'émeute du point de vue de la justice et de la police, et des documents qui sont produits dans un but bien précis, qui est celui de réprimer. Donc en cela, ce sont des documents qui sont construits. Et donc ce qui peut être intéressant de faire à partir de là, c'est de procéder à une analyse de la construction de ces documents. en partant du constat que finalement le récit qu'ils font de l'émeute, finalement, c'est une reconstruction de l'événement à l'aune de l'idée que la police et que la justice s'en fait, à l'aune de sa propre grille de lecture. Donc une situation émeutière qui est restituée a posteriori et qui est ordonnée et qui est expliquée en fonction de ce point de vue judiciaire. Et donc dans ces documents, on peut relever, dans ces documents s'exprime un double rapport de pouvoir en fait, à la fois qui se traduit par une négation de ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler le sens, la signification politique de l'action collective du peuple dans ces mouvements populaires, et une deuxième chose qui est aussi un résultat de cette manière policière d'ordonner l'émeute, qui va être l'invisibilisation, l'occultation des émeutières. Alors, qu'est-ce qui produit ça? D'une part, tout simplement, les logiques de la répression, c'est-à-dire que bien souvent, la façon dominante de lire ces mouvements populaires, ça va être selon une grille de lecture qu'on peut appeler la théorie du complot. C'est-à-dire que les autorités vont partir du principe que, de toute façon, il est impossible que le peuple puisse faire des actions qui soient autonomes et qui soient justifiées et justifiables. Et du coup, on va imaginer que derrière ces émeutiers et ces émeutières, il y a des meneurs qui vont les manipuler, qui vont les pousser à la révolte. Et donc, du coup, ce qui permet aussi de délégitimer le sens de l'émeute, de légitimer la répression. Et c'est quelque chose qui se... Cette théorie du complot comme grille de lecture de l'événement, elle va se traduire par la façon très concrète dont la police met en pratique la répression, c'est-à-dire elle va se traduire notamment par une politique d'arrestation sélective, c'est-à-dire que les personnes... une politique d'arrestation qui, du coup, s'apparente, si on fait un parallèle avec le théâtre qu'Arlette Farge a fait, à une distribution des rôles. C'est-à-dire qu'on va arrêter, en premier lieu, des hommes du peuple pauvres, et on va finalement épargner les femmes qui vont être considérées comme irresponsables. Voilà. Et de ce fait... Puisque la majorité des personnes qui sont arrêtées sont des hommes, et que tous ces documents judiciaires vont en fait tourner autour des personnes qui ont été arrêtées, c'est-à-dire forcément les personnes qui sont interrogées, c'est celles qui ont été arrêtées, celles qui sont jugées, celles qui ont été arrêtées, etc. L'attention qui transparaît de ces documents, elle va se cristalliser autour de ces individus qui sont arrêtés, qui sont des hommes, ce qui fait que très tôt dans la procédure judiciaire, en fait, les émeutières vont disparaître du discours judiciaire et disparaître de ces documents. Un deuxième point qui concourt à nier la dimension politique de l'action du peuple et à invisibiliser les émeutières, c'est, si on prend les documents qui sont les interrogatoires, ça va être les conditions de production de ces interrogatoires. C'est-à-dire que les personnes qui sont interrogées et qui ont été arrêtées vont élaborer des stratégies de défense qui vont avoir pour but de les faire elles-mêmes disparaître de la scène de l'émeute, d'atténuer leurs responsabilités. Et du coup, ces personnes interrogées vont essayer de rendre compte le moins possible de scène de l'émeute. Et ce faisant, elles vont taire la présence des femmes puisqu'elles vont mentionner le moins possible, de manière précise, les gens qui étaient autour d'elles. Voilà. Et une troisième chose, c'est si on prend le dernier type de document qui est les récits des témoins, la troisième chose, c'est que les témoins, eux, ils vont mettre l'accent sur la violence qu'ils ont subie. Or, qui va détenir le monopole de la violence, ça va être les hommes, en vertu de ce qu'on pourrait appeler une sorte de division sexuelle du travail émeutier, puisque... Les moyens de cette violence, ça va être les outils de travail, les haches, les marteaux, etc., qui vont être utilisés en situation comme armes. Et donc, ces outils sont détenus, non pas par des femmes, mais par les hommes. Donc là encore, les femmes sont très peu mentionnées. Donc voilà un petit peu comment quel est ce point de vue qui transparaît de ces documents judiciaires. Donc finalement, la représentation de l'émeute qui est construite par la justice dans ces documents, ça va être une émeute dans laquelle les femmes sont absentes, une émeute illégitime. Voilà, si je récapitule un petit peu ce que je vous ai dit pour clarifier, une justice qui va opérer une reconstruction des événements et de leur sens à travers ces documents qu'elle produit a posteriori de la situation émeutière, et une justice qui va appréhender l'émeute à travers donc, ce que j'ai appelé la théorie du complot, ce qui a pour effet de délégitimer les actions des émeutiers et des émeutières en légitimant la répression, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc je passe à mon deuxième point, qui est un petit peu le gros de l'exposé, puisque finalement c'est plutôt ça que je voudrais vous parler. C'est la question de donc la transmission de ce point de vue sur ces mouvements populaires du XVIIIe siècle jusqu'à nous. Donc je vais aborder la question de l'historiographie. Et je vais l'aborder en deux temps. Donc, d'abord, en fait, la question directrice, c'est sur quels documents vont se fonder les historiens pour écrire l'histoire de ces mouvements populaires. Et on va voir qu'ils vont se fonder sur ces archives judiciaires dont je vous ai parlé, mais pas seulement. Ils vont aussi se fonder sur ce qu'on pourrait appeler des mémoires, des chroniques, des journaux que des contemporains tenaient à l'époque. Donc ces auteurs sont des bourgeois de Paris qui tenaient un journal des événements qui se produisaient autour d'eux. Et donc ça, ce sera mon premier point, c'est-à-dire comment le discours de la justice passe dans ces mémoires, dans ces journaux, et passe sans grand changement, à vrai dire, dans la production historiographique. Donc, avant toute chose, voilà, il y a déjà la question de l'écrit. C'est-à-dire que je vous ai parlé de ces documents judiciaires, la procédure judiciaire, elle est écrite, et à partir du moment où c'est écrit, déjà, c'est faire naître la possibilité de transmettre le point de vue de la justice sur l'émeute, puisque, enfin, disons que pour reprendre la vision de Benjamin et pour être un peu plus clair et un peu plus rapide, on n'a pas de traces écrites qui nous soient parvenues qui proviennent des vaincus. Donc tout ce qu'on a, c'est le point de vue des vainqueurs, qui est le seul transmis, et du coup qui s'impose de par cette maîtrise judiciaire de l'écrit qui va permettre de faire perdurer sa lecture de l'événement, sachant aussi que ces archives judiciaires, elles sont très bien conservées. En fait, c'est des documents qui sont déjà des archives à l'époque, qui sont déjà archivés, conservés, classés, etc. Et donc aujourd'hui, on en a conservé beaucoup, il y a assez peu de lacunes pour le XVIIIe siècle. Donc, ces documents dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont les interrogatoires, les dépositions de témoins, les procès-verbaux des commissaires de police, etc., en fait, tous ces documents de la procédure judiciaire sont des documents qui à l'époque, sont tenus secrets. Il y a qu'un seul type de document émanant de la justice qui est rendu public dans Paris à l'époque, ça va être le document final, finalement, enfin, le document qui arrive au bout de cette chaîne de production de documents, qui va être tout simplement le jugement. Le jugement, c'est-à-dire, une fois que le procès est jugé, un, un papier qui indique qui sera condamné et puis qui va indiquer les circonstances d'exécution, puisque la plupart du temps, ça se solde la répression par la pendaison de quelques émeutiers, deux ou trois. Donc ces jugements, ils sont imprimés, ils sont rendus publics, ils sont criés dans les rues, ils sont affichés, ils sont vendus même par des colporteurs. Sachant que le fait de publier les jugements, ça relève vraiment d'une décision qui est prise par l'institution judiciaire. C'est-à-dire qu'au début du siècle, finalement, les jugements sont assez peu imprimés. Et plus ça va, plus le nombre de documents, de jugements imprimés va croissant. Et plus aussi les juges vont écrire, c'est-à-dire produire des textes de jugement longs dans lesquels ils vont motiver leur décision. Donc ces jugements, on les appelle des arrêts criminels. Donc c'est les seuls documents de la procédure qui sont rendus publics. Et ce sont sur ces documents que vont se fonder ces auteurs de chroniques et de mémoires dont je vous parlais. C'est sur ces documents qu'ils vont se fonder pour eux écrire leur histoire de l'émeute. C'est-à-dire que ça va être la source d'information de ces chroniqueurs, de ces journalistes, de ces mémorialistes, tout simplement parce que c'est les documents auxquels ils ont accès puisqu'ils sont publiés. Donc ces chroniqueurs, leurs écrits, il n'y en a pas non plus énormément, surtout pour le début du siècle, mais ce qui est intéressant, c'est que leurs écrits ont été publiés énormément à partir du milieu du 19e siècle, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a un moment éditorial pendant lequel on a différents historiens qui vont se passionner pour l'édition de sources, de documents anciens. Et donc voilà, on a plusieurs journaux, plusieurs chroniques qui vont être publiées dans les années 1850-1860. Voilà. Et c'est devenu, de fil en aiguille, c'est devenu vraiment des sources classiques pour les 18e-istes. C'est-à-dire que c'est des textes qui sont omniprésents dans l'historiographie, qui sont considérés comme indispensables et qui sont toujours convoqués par les historiens ensemble. C'est-à-dire que, voilà, on a plusieurs auteurs qui écrivent à différents moments du XVIIIe siècle et on va considérer qu'ils forment de façon évidente et ininterrogée, qu'ils forment un corpus. C'est-à-dire on en a un qui écrit au début du siècle, un autre ensuite, etc. Et disons qu'on... On va réinscrire tous ces textes dans une sorte de continuité fabriquée. On va considérer qu'ils se répondent alors qu'ils sont très différents dans leur forme. Ils ont été écrits par des gens qui n'occupent pas forcément exactement les mêmes positions sociales, mais bon, qui partagent quand même un petit peu le même point de vue sur la question qui nous occupe, c'est-à-dire sur les mouvements populaires. Donc l'édition de ces textes, elle, au XIXe siècle, elle les rend accessibles. Et si on regarde la façon dont ils ont été édités, on voit qu'il y a des choix éditoriaux qui vont déterminer la manière dont ces textes seront lus. C'est-à-dire, et qui vont expliquer pourquoi ils ont été aussi autant utilisés. C'est-à-dire souvent, tout simplement, on a un index, souvent les textes ont été abrégés, redécoupées en unités chronologiques un petit peu circonscrites, et tout ça permet une lecture rapide et aussi une lecture partielle en fait de ces journaux. On va pouvoir retrouver facilement les informations un petit peu comme dans un dictionnaire en fait, en se référant à l'année sur laquelle on fait des recherches. Donc tout ça pour vous dire que ce qui est intéressant avec ces textes, c'est que ils ont été utilisés par les historiens bien avant la découverte, bien avant l'invention, au sens ancien, bien avant la découverte des archives judiciaires. Parce qu'en fait, les archives judiciaires, on a commencé à les exploiter plutôt à partir des années 70. Donc tous les historiens qui ont écrit avant, ils se sont assez peu référés aux archives judiciaires, et donc ils se sont fondés sur ces journaux chroniques, mémoires. Et ce qui est la caractéristique de ces journaux, chroniques et mémoires, c'est qu'ils vont tous se référer aux jugements, à ces jugements imprimés sur des émeutes. Et beaucoup de ces auteurs de journaux vont aussi tout simplement en fait copier les jugements dans leurs journaux, mais vraiment mot à mot. Donc en fait on a un point de vue de la justice qui passe au mot près du jugement affiché à ces journaux qui deviennent des sources considérées comme très importantes par les historiens. Donc je passe sur la façon dont ils apparaissent de façon un peu plus détaillée dans ces textes. Mais disons que ce que je retiens, c'est que le point de vue de la justice sur les mouvements populaires, perdure dans une historiographie qui va se nourrir des récits qui sont disponibles dans ces journaux. Et il se trouve que dans ces textes, contrairement aux archives de police, là on a un discours sur les émeutières, c'est-à-dire qu'elles apparaissent beaucoup plus dans ces textes que dans les archives de police. Mais le souci, c'est qu'ensuite ils sont repris ces textes par les historiens de façon assez ininterrogée. Pour vous donner un ou deux exemples, par exemple, un historien qui s'appelle Jean Nicolas, qui est l'auteur de la somme la plus récente sur les mouvements populaires à l'époque moderne, qui va citer dans son livre ce qui a été rapporté par un de ses journalistes au XVIIIe siècle, qui dit, donc je cite, « Comme nous le savons tous, les femmes dans de telles crises sont plus dangereuses que les hommes. » Et donc il la cite comme ça, alors que c'est une citation qui appellerait pour le moins une analyse qui interrogerait le point de vue de l'auteur. Et là, c'est vraiment utilisé à titre d'exemple, qui est introduit par la phrase, je vous la cite, « D'après un témoin de l'époque, les femmes jouèrent un rôle important lors des révoltes de mai 1775. » Donc voilà, pour traiter de la présence des femmes, c'est des documents qui ont été beaucoup utilisés par les historiens, des récits qui ont été repris à leur compte par ces historiens sans que soit vraiment introduite l'idée qu'il puisse être avant tout l'expression d'un certain regard, enfin, d'un regard genré sur ces émeutières. Je passe à mon deuxième point, qui est sur la question pour rentrer vraiment au cœur de cette question de l'historiographie. Et là, je voudrais aborder deux questions. D'une part, la question de la qualification des émeutes de subsistance comme politique, en liant cette question dans un deuxième temps à la façon dont ont été prises en compte les femmes dans l'historiographie. Donc d'abord, je vais essayer de retracer une historiographie des révoltes populaires à l'aune de cette question de leur dimension politique, et ensuite voir comment ont été prises en compte les femmes dans les études qui portaient sur les mouvements populaires au XVIIIe siècle. Donc dans un premier temps, sur la question de la dimension politique, on peut distinguer deux temps. D'une part, une période qui d'ailleurs pas révolue, pendant laquelle on a traité ces mouvements populaires comme des mouvements spontanés et réinscrits dans une continuité historique. Et ensuite, on a un déplacement de cette question de la dimension politique des mouvements populaires avec un historien britannique qui s'appelle E.P. Thompson, dans les années 60, mais qui a été traduit en français quand même une vingtaine d'années plus tard. Donc d'abord, la question du caractère politique des mouvements populaires, elle se joue autour de la question de la spontanéité. C'est-à-dire que les historiens, surtout dans les années 60 et aussi dans les années 50 d'ailleurs, vont se référer à cette notion de spontanéité pour décider d'accorder ou non une dimension politique au mouvement populaire qu'ils étudient. Donc, ils proposent des définitions de ces mouvements populaires à travers cette notion de spontanéité. Donc, ça signifie que ce sont des mouvements qui ne sont pas organisés, qui peuvent se déclencher de façon absurde, en fait, et ce sont vraiment leurs mots. Disons que la conséquence de tout cela, c'est que les caractéristiques de l'émeute spontanée, ça va donc avoir pour effet d'ôter à ces actions toute signification rationnelle. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ces mouvements spontanés, ce caractère spontané des mouvements populaires va être lu à l'aune de l'idée de progrès, donc dans une vision assez téléologique de l'histoire, donc par plusieurs historiens, notamment par François Furet, là je parle de François Furet des années du début des années 60, donc bien avant penser la Révolution française. Lui, par exemple, il avait distingué plusieurs stades de développement de l'intervention populaire dans le domaine du politique. Donc, je le cite, qui vont du spontané au conscient, de l'émeute à la révolution. Donc, lui, il parle de. Je vais vous le citer, ça va être plus explicite. Courant autonome, émeute le plus souvent spontanée et mobilisée par la conjoncture. Violence contre la force des choses plus que contre l'inégalité des hommes, soulèvement sans coordination, sans mandataire et sans idéologie, tels sont les traits principaux de ce que nous pourrions appeler l'action politique élémentaire des classes inférieures. Donc les éléments qui vont être convoqués pour établir une sorte de classification qui va permettre de classifier les mouvements populaires en fonction de leurs causes et de leurs objectifs. Donc d'une part, on aura les mouvements contre la fiscalité, par exemple, d'autre part, les émeutes de subsistance, sachant que dans cette classification des mouvements populaires, la question des émeutes de subsistance vont toujours être placées au bas de l'échelle par rapport à leur degré supposé de sens politique. Puisque ça va être des actions qui vont vraiment être considérées comme étant sans programme, sans organisation, dirigées contre les symboles des richesses, mais non contre les inégalités elles-mêmes, et surtout comme des mouvements qui ne remettent pas en cause l'ordre social. Et c'est une manière d'aborder la dimension politique des émeutes qu'on retrouve chez les historiens marxistes, et notamment chez Georges Lefebvre et Albert Souroul, qui étaient des historiens de la Révolution française, qui vont les considérer comme rétrogrades et motivés par des visées conservatrices. Notamment, je cite Sobule, il n'était pas question de socialiser la terre et les moyens de production. Nos sans-culottes, donc de la Révolution, n'étaient nullement un parti de classe. Donc là, on retrouve encore une approche téléologique de la question, bien qu'elle soit sous-tendue par une logique opposée. Puisque c'est bien sûr à l'aune de la Révolution française que vont être évalués les événements qui précèdent, c'est-à-dire les mouvements populaires de l'Ancien Régime. Donc souvent, ils vont être considérés comme des mouvements pré-révolutionnaires, soit annonçant la fin de l'Ancien Régime, soit annonçant au contraire une sorte de préambule de la Révolution française, avec toujours cette idée de caractère spontané, qui est bien sûr une référence à l'idée de spontanéité telle qu'elle a été développée par Lénine dans Que faire, c'est-à-dire ces quelques pages sur l'élément spontané compris comme une forme embryonnaire de conscience populaire. Voilà. Donc vous voyez bien que, en fait, cette question du politique, elle se joue autour de la question de la notion de classe qui n'a pas été appliquée à la situation du XVIIIe siècle par la majorité des historiens marxistes, qui sont du coup en fait assez peu nombreux à avoir travaillé sur ce siècle. Alors évidemment, du coup, la conséquence, ça va être que le peuple au XVIIIe siècle va être considéré comme étant hors du politique, Et si on définit la classe par la position qui est occupée par rapport aux moyens de production, ça ne peut pas fonctionner dans une société pré-capitaliste. Donc on n'a pas de classe ouvrière consciente, donc pas de politique pour le peuple avant la Révolution française, qui marque le passage du féodalisme au capitalisme commercial, d'un certain point de vue. Donc voilà, le résultat, c'est que souvent les historiens marxistes n'ont pas considéré les luttes populaires d'anciens régimes comme des mouvements politiques. Et sur ce point, ils vont rejoindre les historiens libéraux comme Mounier, par exemple, qui participent à une grande controverse qui se joue justement sur ce terrain des mouvements populaires, surtout du XVIIe siècle. Bon, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, mais disons que la dernière chose qu'on peut souligner, c'est que, en fait, même dans des productions récentes, on va retrouver cette manière de traiter la dimension politique ou non des mouvements populaires. Je vous parlais tout à l'heure de la synthèse qui a été faite et donc qui est parue au début des années 2000 par un historien qui s'appelle Jean Nicolas, qui est donc vraiment l'ouvrage de référence sur le sujet. Lui, il propose une interprétation globale de ces mouvements populaires qui est vraiment fondée sur une démarche progressive, donc je le cite, allant du simple au complexe, de l'immédiat au plus élaboré. Le cri primal marque le niveau élémentaire et la contestation politique a un aboutissement concerté. Donc là, on retrouve cette idée que tant que sous l'Ancien Régime, les mouvements populaires ne montrent pas des motivations anti-monarchiques, on ne peut pas être on ne peut pas accorder un sens politique à ces mouvements populaires, ou alors c'est ce qu'annoncent ces émeutes qui est considéré comme politique, et non ces émeutes en elles-mêmes. Alors, cette question de la dimension politique des mouvements de subsistance, elle va connaître un déplacement avec un historien britannique qui s'appelle E.P. Thompson, et qui, lui, a porté une théorie des classes sociales complètement renouvelée, c'est-à-dire qui s'est inscrit contre des approches qu'il considérait comme par trop économique contre l'économisme, c'est-à-dire l'idée que les classes naîtraient par génération spontanée à partir du moment où les rapports de production sont bouleversés par la révolution industrielle. Donc lui, c'est vraiment son arrivée marque une façon de penser les classes sociales dans une perspective résolument constructiviste, où il va parler de la formation de la classe ouvrière anglaise comme d'un processus actif qu'on peut situer historiquement et qui ne peut pas être séparé de la naissance d'une conscience de classe. C'est-à-dire que sans conscience de classe, il n'y a pas de classe, et que cette conscience de classe, pour lui, quand on la pense, il faut prendre en compte absolument la notion d'expérience, c'est-à-dire la constitution d'une expérience commune. Et cet apport théorique-là, celui d'E.P. Thompson, il a servi de fondement à beaucoup de travaux jusqu'à aujourd'hui sur les mouvements populaires d'Ancien Régime. Et sur la question plus précisément des émeutes de subsistance, il a développé une notion qui s'appelle l'économie morale, selon laquelle on peut comprendre ces émeutes de subsistance de la manière suivante, c'est-à-dire comme des actions motivé par un sentiment de légitimité. Alors légitimité, c'est une notion qui va recouvrir à la fois la conviction de défendre des droits et des coutumes traditionnelles, et aussi la conviction d'agir au sein d'un consensus qui va être partagé par l'ensemble de la communauté. C'est-à-dire, voilà, on peut comprendre l'économie morale comme un ensemble cohérent et à la fois implicite de règles morales et de normes sociales au nom duquel le bien commun doit être défendu. Donc effectivement, ça fonctionne quand on pense à ces moments de libéralisation du commerce des grains et donc d'une introduction de principes de libéraux dans l'économie, puisque du coup, on va comprendre ces émeutes populaires comme des manières de défendre le modèle économique antérieur qui était basé sur une réglementation du marché, sur un contrôle des prix. Voilà. Et donc, ça prend... Pour lui, ce qui est assez révélateur, c'est que ces mouvements prennent une forme particulière qu'on appelle la taxation des prix, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément se traduire par ce qu'on pourrait appeler des vols, mais plus par des personnes qui vont finalement acheter du pain, mais pas au prix du marché, au prix qu'elles vont considérer comme juste, c'est-à-dire au prix antérieur, au prix qui était réglementé. Enfin, juste, c'est-à-dire que la plupart des gens peuvent acheter du pain à ce prix-là. Mais Thompson, finalement, il ne prend pas vraiment position de manière très tranchée. Enfin, disons qu'il a une position qui est ambiguë dans ce débat sur le caractère politique des mouvements populaires, puisque je vous donne ce qu'il en dit. Il dit « Cette économie morale ne peut certes pas être considérée comme politique au sens supérieur du mot. » Elle ne peut cependant pas davantage l'être comme apolitique, car elle suppose des notions de bien public précises, et passionnément défendues. Donc là, voilà, la question de la dimension politique de ces émeutes, elle est déplacée, mais elle n'est pas dépassée, ça c'est certain. Mais bon, ce qui importe, en tout cas, c'est que son apport théorique va être déterminant, et va permettre, surtout dans les années 80 et en particulier 90 et jusqu'à aujourd'hui, va permettre une production historique qui va finalement un petit peu déserter cette question de mouvement politique ou pas mouvement politique, mais qui va plutôt s'intéresser vraiment à... une histoire des émeutes qui va prendre en compte l'existence d'un lien vraiment fondamental entre les pratiques sociales quotidiennes et les comportements adoptés pendant les émeutes populaires, qui va permettre de restituer du sens, des logiques à ces actions collectives populaires. C'est-à-dire que le sens, il va être trouvé dans le fait qu'elles sont ancrées dans un savoir social et collectif, que finalement c'est des comportements qui relèvent d'une logique qu'on peut tout à fait décrire, et que il paraît du coup évident, comme le dit Arlette Farch, que finalement il ne s'agit pas de rénover la société, de la réinventer, mais tout simplement de se défendre pour essayer de maintenir au mieux l'état de conditions sociales qui sont déjà difficiles et éviter qu'elles se dégradent. Donc, c'est une approche qui nous permet de considérer l'émeute comme pratique sociale, d'analyser les logiques internes au déroulement des qu'on peut mettre en lumière dans le déroulement des émeutes. Et bien sûr, c'est des approches qui, tout simplement, vont prendre en compte de façon véritable le contexte historique dans lequel s'inscrivent ces actions, et qui n'ont pas utilisé des distinctions entre différents types de mouvements populaires qui ont été élaborés a posteriori. Voilà. Mais finalement, il y a un autre point qui permet de comprendre pourquoi on a refusé une dimension politique à ces mouvements populaires. C'est que à partir du moment où on a commencé à s'interroger vraiment sur la composition des foules émeutières à partir des archives de police qui permettaient de prendre en compte les arrestations et aussi les témoignages, déjà ça a permis de prendre conscience qu'il y a une forte proportion de femmes dans ces émeutes, et il semble finalement que ces émeutes étaient d'autant moins vues comme politiques qu'elles étaient assimilées à une forme d'action typiquement féminine. Alors, d'abord, on a un premier, un premier courant qui est celui de ce point de vue historiographique dominant sur les mouvements populaires, pour qui tout simplement il n'y aura pas de... On va considérer qu'il n'y a pas de femmes dans les grandes révoltes, ou alors on va prendre en compte la présence des émeutières, mais d'une manière qu'on peut qualifier d'essentialiste. C'est-à-dire qu'on va partir du principe qu'il y a un partage, enfin, il y a une division sexuelle du travail qui est indépendante de l'histoire, et que du coup les femmes vont être associées à l'espace privé, à l'espace domestique, qui en fait n'existe pas, enfin en tout cas qui n'a rien à voir avec la séparation sexuelle des espaces qui va être mise en place à partir du 19e siècle. Donc voilà, enfermer les femmes dans un rôle vraiment anhistorique, penser également la famille comme une entité figée, et penser les rôles attribués au féminin et au masculin, non pas comme des constructions sociales, mais comme reposant sur des différences biologiques, sur la différence biologique des sexes, et que ça va suffire à expliquer la participation des femmes aux émeutes. Et je vous cite rapidement un historien qui s'appelle Yves-Marie Bercé, qui travaillait surtout sur les émeutes du 17e siècle, mais lui, quand il doit rendre compte de la présence des femmes dans ces émeutes, il dit « L'élément le plus constant de ces émeutes est la présence des femmes. Ce concours des femmes dans l'émeute du pain cher souligne le caractère presque biologique de ce type d'événement. C'est la révolte la plus spontanée, la plus essentielle. » Et il dit aussi « Les émeutes du pain cher où les femmes ont la première place sont les plus spontanées des violences, les plus brèves, les plus facilement dispersées, les plus dépourvues de programmes et d'organisations. » Donc là, ce qu'on observe, c'est une convergence entre une conception des mouvements populaires comme spontanés et une lecture de la présence majoritaire des femmes dans ces émeutes sur le mode de l'essentialisation, puisque évidemment, si on considère qu'il y a des mouvements populaires hors du politique, c'est aussi de ce côté que vont être placées les femmes, et elles vont renforcer cette manière de placer les émeutes de subsistance hors du politique. Donc, il y a tout de même quelque chose qui fournit des éléments pour penser ce rejet des femmes hors du politique, c'est la critique féministe des théories marxistes, puisque finalement l'historiographie marxiste sur ce point, elle s'est fondée sur les mêmes prémices, c'est-à-dire sur une assimilation du masculin à la sphère publique et donc politique, et du féminin à l'espace domestique. Et là, évidemment, disons que ça renvoie évidemment à la distinction entre sphère productive et sphère reproductive. Et là, évidemment, la critique qui est intéressante, c'est celle qui a été formulée par John Scott, qui a discuté le concept de classe tel qu'il a été élaboré, enfin défini, redéfini par Hippie Thompson. Et selon elle, Hippie Thompson pense l'identité de classe comme masculine, dans la mesure où il affirme que c'est l'implication dans le travail, au sens d'activité productive, qui va permettre l'éveil d'une conscience de classe. Or, les femmes, comme elles sont systématiquement associées à la sphère domestique, alors même que dans les faits, elles travaillent à l'extérieur, c'est-à-dire dans la sphère productive, comme elles sont associées à la sphère domestique, ça compromet leur conscience politique, puisque au sein de l'espace domestique, on ne peut pas faire l'expérience de l'exploitation, selon lui. Donc, en conséquence, l'action des femmes, surtout si elle est liée aux activités reproductives, est naturalisée et elle ne peut pas être véritablement politique. Donc, évidemment, tout ceci change à partir du moment où émerge, dans les années 70, l'histoire des femmes. C'est-à-dire que là, on va avoir une production historiographique des historiennes des femmes qui vont remettre en cause l'idée selon laquelle la participation des femmes aux émeutes pour le pain s'explique par des préoccupations nourricières, naturellement féminines, etc. Donc je passe un petit peu rapidement là-dessus, mais disons que elle montre, et notamment Arlette Farge, que finalement, au vu des pratiques sociales qui se jouent quotidiennement dans l'espace urbain au XVIIIe siècle, donc je vous ai dit pas de division sexuée des espaces telle qu'on la connaîtra après, au vu de ces pratiques sociales, finalement, il n'y a pas lieu de s'étonner de la présence d'émeutières, contrairement à ce qu'ont fait de nombreux historiens. Et que du coup, s'en étonner, c'est faire preuve de... Enfin, ça découle d'un point de vue androcentrée de l'historiographie antérieure. Et donc, voilà, pour lutter contre cette permanence, ce rejet hors de l'histoire des identités sociales, ces historiennes des femmes vont produire voilà, différentes analyses, mais disons que, pour résumer, ce qu'elles vont faire, c'est en fait, c'est déplacer l'explication des rôles des hommes et des femmes dans ces émeutes, la déplacer du naturel vers le culturel. Le régime explicatif va changer. Donc, pour résumer, en ce qui concerne l'historiographie qu'on pourrait qualifier de dominante, on observe une convergence entre une négation de la dimension politique des émeutes vivrières, d'une part, et d'autre part, une insistance sur une présence des femmes qui va être présentée comme naturelle, comme une évidence anhistorique, et cette évidence va être questionnée par l'histoire des femmes qui va opérer un déplacement de la manière d'expliquer cette présence des femmes. Donc, voilà un petit peu sur ce que je voulais vous dire sur le passage de ce point de vue qu'on peut observer, qu'on peut lire dans les archives judiciaires du XVIIIe siècle sur son passage dans l'historiographie à travers, d'une part, donc l'utilisation qui est faite de ces archives et un autre type d'archives que sont les mémoires et ce que certains historiens aussi appelaient les journaux d'événements. Donc disons que l'idée, voilà, c'était d'interroger un petit peu la question de la transmission de ce point de vue jusqu'à aujourd'hui à travers l'historiographie. Et ce que je voudrais faire maintenant très rapidement, c'est, si vous voulez bien, introduire la discussion qu'on pourrait avoir tout de suite en posant cette question d'une continuité, d'une permanence d'un point de vue dominant. Sur les actions, enfin sur les mouvements populaires contemporains, puisque finalement, voilà, je vous ai dit que la question de la dimension politique des mouvements populaires, elle a été déplacée, elle a été un petit peu abandonnée, puisque les enjeux idéologiques sont devenus de moins en moins forts, mais on ne peut pas vraiment la considérer comme dépassée quand on lit la production qui a été fait notamment en sociologie sur les émeutes de 2005. C'est ce qu'on appelait les émeutes de 2005. C'est l'exemple que je prendrais. On constate quelques similitudes finalement dans le point de vue qui est donné sur le peuple, puisque on va retrouver cette question primordiale qui va être la question de qualifier ou non ces mouvements de politique. C'est une question qui semble s'être imposée vraiment comme centrale pour la majorité des sociologues qui ont travaillé sur ces événements de novembre 2005. Et finalement, on a des éléments identiques qui sont mobilisés pour approcher cette question. Alors notamment la question des modes d'action qui ont été mis en œuvre par les émeutiers de 2005. Et quand il s'agit de rendre compte de ces modes d'action, souvent est souligné une sorte d'incommensurable décalage avec les formes de mobilisation dites traditionnelles. Donc, par exemple... Le deuxième mode, il s'agit des banlieues. Oui, c'est ça. Ouais. Par exemple, Robert Castel, en 2006, écrit « Si dans leur forme, les émeutes semblent en deçà du politique, elles ne portent pas moins une signification clairement politique en imposant dans l'espace public un problème crucial. » De ce point de vue, des actions apparemment insensées, brûler des voitures, peuvent délivrer un message politique qui peut être lu comme un appel désespéré à l'attention. Donc finalement, c'est dans cet espace que va se jouer ce qui va être identifié par certains sociologues comme la question de leur signification politique. Parce que, et c'est bien de penser en termes de signification politique, de message politique dans ces actions qui sont potentiellement porteuses. Donc c'est à aucun moment, il me semble, c'est l'événement lui-même qui peut être considéré comme politique. Et il semble même au contraire qu'il Il est lu comme politique presque malgré lui et surtout à l'insu de ses acteurs. C'est-à-dire que c'est comme si ce message, puisqu'on raisonne en termes de message, c'est comme s'il pouvait simplement être lu ou non comme politique. Et à mon avis, enfin, en tout cas, il me semble que la question de qui est en position de lire, c'est-à-dire de décrypter, puis d'écrire, c'est-à-dire de nommer ces émeutes, de les qualifier, de leur conférer un sens, finalement, ce sont ces sociologues. Et j'ai trouvé peu d'occurrences où ils faisaient état d'une façon ou d'une autre d'interroger leur position, leur point de vue. Disons que le vrai problème qui est finalement pour qui ces modes d'action sont-ils incompréhensibles et surtout pour qui ne le sont-ils pas, ça c'est une question qui n'est pas vraiment posée à mon sens. Et par ailleurs, sur la question des filles dans ces émeutes, c'est une question qui est assez peu traitée. Je l'ai trouvée traitée soit par des sociologues qui réemployaient des enquêtes antérieures qu'elles avaient menées en banlieue, notamment Julie Deville dans la revue, dans un numéro spécial de la revue Espace et Société de 2007. Qui a réutilisé une enquête qu'elle avait faite sur la socialisation sexuée en banlieue, mais qui n'a pas pour autant produit d'enquête ad hoc sur les éventuelles formes de participation des filles aux émeutes. Et sinon, un article qui est assez connu, c'est celui de Nassira Guenif dans Mouvement, mars-avril 2006, où évidemment, donc à la suite de Les féministes et le garçon arabe, elle va défendre l'idée que qu'il faut arrêter de faire comme si le problème du sexisme ne se posait qu'en banlieue, etc. Mais disons que son argumentation n'est pas vraiment concernant la présence des filles dans les émeutes, n'est pas vraiment très solide, puisque tout ce qu'elle dit, c'est que finalement, tout ce qu'on a pu voir à la télé, c'est des silhouettes encapuchonnées. Et donc, je vois pas pourquoi on serait capable de dire s'il s'agit de filles ou de garçons. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire pour introduire la discussion. Sachant que j'avais proposé un texte pour la séance, que je vais essayer de mettre en lien avec ce que je viens de dire sur ces émeutes de 2005. C'était un texte d'une historienne qui s'appelle Deborah Cohen, qui est une version romanée de sa thèse, qui elle a travaillé sur le discours dominant sur le peuple au XVIIIe siècle et qui s'est lancée au milieu de l'ouvrage dans une sorte de chapitre qu'elle a appelé Intermède, et dans lequel elle dresse une sorte de parallèle entre le point de vue sur le peuple tel qu'il s'exprime aujourd'hui et tel qu'il s'exprimait, le point de vue dominant évidemment, tel qu'il s'exprimait au XVIIIe siècle. Et donc pour elle, ce qu'il y a de commun dans ce point de vue à deux moments ou dans ces deux points de vue, c'est son caractère essentialiste, ou plutôt essentialisant. C'est-à-dire que ce qu'elle dit, elle, c'est que au XVIIIe siècle, en tout cas pour toute la première moitié du XVIIIe siècle, on a une façon d'écrire, de parler, enfin, on, les élites, hein, de parler du peuple qui est essentialisante, puisque on considère même pas le peuple comme différent, mais comme autre. C'est-à-dire qu'il y aurait deux mondes bien circonscrits, et on considère que le peuple appartient à un monde autre, et que de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est impensable du point de vue des élites. Qui est impensable selon leur sens, le sens commun qui leur est propre. C'est-à-dire que le regard de ces élites sur ces pauvres, c'est un regard qui sait d'avance, un regard a priori, et qui exprime le fait que le peuple relève d'une nature, d'une essence, et que de cette essence, on peut déduire des actions certaines, c'est-à-dire que le peuple est par essence émeutier, par exemple. Enfin, c'est même pas par exemple, c'est vraiment un élément fondamental de la définition du peuple au XVIIIe siècle. Donc pour elle, ce point de vue, il connaît un changement dans la seconde moitié du siècle, où là, elle parle vraiment, enfin, elle parle d'un moment où on invente le peuple, c'est-à-dire que on produit un discours qui doit beaucoup plus à l'observation et qui va un petit peu atténuer le discours essentialisant qui était antérieur. Et donc pour elle, d'après elle, actuellement, on assiste à une renaturalisation du social, à ce qu'elle appelle une renaturalisation du social. Et donc, pour ça, elle prend quelques exemples dans le texte que j'avais proposé. Elle parle du projet de loi de 2008 sur la rétention de sûreté. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais l'idée, c'était de permettre l'enfermement sans limite de durée des personnes qu'on pouvait considérer comme susceptibles de récidive. C'est-à-dire que pour elle, dans cette mesure, on retrouve l'idée ce qui peut être accompli par une personne est prévisible à partir de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle est sur le temps présent, et que donc c'est une manière de déjà nier toute possibilité d'une histoire individuelle, c'est déduire l'avenir à partir de la construction d'une essence, et c'est nier le temps tout simplement, c'est-à-dire considérer que l'avenir correspond mathématiquement à ce qui peut être lu dans le présent et dans le passé, et mettre certaines catégories de personnes qui sont classées comme telles hors du temps, hors de l'histoire. Et donc, elle prend d'autres exemples, et notamment aussi celui, bien sûr, de la catégorie jeunes issus de l'immigration, parfois tout simplement appelés immigrés, pour désigner des individus qui n'ont pas eux-mêmes connu de parcours migratoire, mais dont les parents ou dont les grands-parents ont connu un parcours migratoire. Et du coup, la migration, là, elle apparaît comme une sorte de caractère transmissible, comme si, encore une fois, le temps n'existait plus. Voilà. Et donc, elle se risque à faire ce parallèle, puisque elle pense que autant à partir de la révolution industrielle, on avait une figure politique et unifiante du monde ouvrier, mais qui aujourd'hui a disparu, c'est-à-dire qu'elle a été invisibilisée. Donc ça, c'est le... Et aujourd'hui, il y a un tel point de vue sur le peuple que ça conduit à une invisibilisation, un éclatement d'une unité de classe qui pouvait exister au XIXe siècle. Et du coup, elle fait ce parallèle, puisque elle pense et elle montre que au XVIIIe siècle non plus, on ne peut pas parler d'une classe populaire homogène. Et je vais m'arrêter là parce que je suis, enfin parce qu'il est 12. Ouais. 10. Merci. Bon, merci beaucoup, Clara. On va passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Oui. Est-ce que tu t'intéresses aussi à l'âge et aux émeutes venant de la jeunesse et des émeutes plus mûres, entre guillemets? Est-ce que tu as pu faire cette distinction dans ta recherche et avec un parallèle avec aussi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques? Oui. Comme je suis arrivée 10 minutes en retard, peut-être que tu en as parlé, mais je me demandais si tu te référais à James Scott et à l'infrapolitique, parce que par exemple, quand tu parles, à la fin, quand tu dis les sociologues, c'est eux qui vont déterminer si un mouvement est politique ou pas, si une émeute est politique ou pas, il me semble que là, du côté de Scott, il y a une réponse qui est proposée, puisque pour lui, les subalternes... forcément vont produire plutôt un texte caché du point de vue des dominants pour produire du sens politique, et qu'en ce sens-là, il s'agit pour le chercheur ou la chercheuse de retrouver ce texte caché des dominés. Donc je voulais savoir comment tu te situais par rapport à ça. Bah, tu peux répondre, moi, on verra après. Alors sur la question de l'âge ou des âges, déjà, la première chose, c'est que finalement, c'est assez compliqué d'élaborer des données qu'on pourrait mettre en forme de manière statistique, d'ailleurs, sur les... disons que, comme je le disais, c'est pas possible de faire une sorte de tableau qui serait telle est la composition de la foule émeutière à tel moment. Et donc là, on pourrait avoir des critères de sexe, des critères d'âge, etc., puisque les données qu'on va avoir, elles vont concerner uniquement les personnes qui ont été arrêtées. Et du coup, ça produit quand même un sacré biais. Sur la question de l'âge, moi, ça m'a pas paru... Disons que il y a des historiens et des historiennes, et je pense notamment à Dominique Godinot qui l'a fait pour les femmes du peuple dans la Révolution française. Elle s'était intéressée à la question de l'âge et du coup à qu'est-ce que ça voulait dire de la façon dont le peuple se représentait, les émeutes et la participation à une émeute, puisqu'elle, elle avait montré que finalement, pendant la Révolution, dans les émeutes populaires, les femmes qu'on voyait, elles avaient plutôt... autour de 30-40 ans, enfin voilà, c'était pas des jeunes, et donc voilà, à partir de là, ils pouvaient déduire un petit peu soit quelque chose qui donnait des éléments de compréhension, de logique, de sens. Moi, je l'ai pas vraiment fait parce que ça m'a pas, parce que je l'ai pas cherché tout simplement, que ça m'a pas semblé particulièrement pertinent, parce que c'est pas ce que je cherchais, mais du coup ça m'intéresserait de savoir en quoi pour toi ça peut être déterminant, cette question de l'âge. Peut-être âge, j'ai mal choisi le mot, mais en termes d'autres générations et de renouvellement des générations, et ce qui peut aussi entraîner des changements sociaux et oui. C'est-à-dire en déduisant à partir de l'âge, en déduisant un peu une histoire, un parcours générationnel. Ouais, et individuel et par rapport au. Si, effectivement, ça c'est. Ça on peut le faire. Enfin, on peut le faire, encore une fois, avec les données, dont on dispose. Données donc qui concernent, enfin qui parlent. Beaucoup plus de la répression que des émeutes elles-mêmes. Et du coup, en fait, ce qui ressort plutôt, c'est que la répression, souvent, elle s'abat sur des hommes, et le plus souvent, qui sont assez jeunes, en fait. Sur James Scott, alors, oui, j'y ai pensé. Après, le texte caché, par définition, on ne le trouve pas dans les archives dont je parlais. À un moment donné, ou alors très peu, j'ai cru apercevoir une expression du texte caché à un moment donné, quand je vous donne l'exemple pour illustrer, mais à un moment, il y a un témoin qui parlait d'une femme qu'il avait entendue après l'émeute dans un café, dans un cabaret, et il disait elle chantait une chanson sur l'émeute et sur les boulangers, et là j'ai pensé tout de suite à James Scott et au texte caché, ouais, mais c'est à part déduire, postuler, c'est, disons, pour ça, ouais, on peut partir du principe que ça existe et du coup le prendre en compte et l'analyser avec ça en tête. On peut le chercher sans le trouver. Mais oui, ouais, effectivement, j'avais pensé à cette histoire de... Oui, lui, c'est bien infrapolitique qu'il utilise infrapolitique. D'autres questions? Moi, j'ai deux questions. La première, c'est si vous croyez qu'il y a des liens, ou si vous avez repéré des liens avec les discours sur les foules qui sont. sont commencées au 18e siècle, si je me rappelle bien. Et le développement de ces énormes paires de la foule et des groupes de gens dans les espaces publics. Et la deuxième qui est liée, si vous avez trouvé des traces ou des discours sécuritaires qu'on entend aujourd'hui aussi sur la possibilité d'être dans les espaces publics en groupe, en plusieurs personnes. Je ne sais pas si je me suis expliquée. Oui. Ouais. Oui, sur l'interdiction, pour ainsi dire, de la possibilité d'être en groupe dans l'espace public. Oui, ouais. Et l'éventuel, je sais pas si c'était éventuel, et développement de rhétorique sécuritaire, en fait, qui investit sur aujourd'hui aussi l'espace public. Il y avait d'autres questions? Oui. Et comme vous dites que les seuls documents auxquels vous avez accès, c'est des documents judiciaires et donc de l'autorité, comment au niveau quelles sont les techniques du coup pour analyser ce type de documents et écrire une histoire si c'est plus proche de la réalité, en tout cas différente de celle qui a été écrite par ces documents-là, comment en tant qu'historien peut-être ou en tant que chercheur? C'est particulier à la discipline. Ouais, moi j'avais une question sur les circulations des sources et comment ça contribue à reproduire un discours du coup là sur le peuple. En fait tu mentionnais donc ces chroniques, journaux, etc. qui ont été la source principale de l'historiographie jusque dans les années 70. Et je me demandais qu'est-ce qui permet d'expliquer qu'à partir des années 70 on revient aux archives judiciaires, on exploite ce matériau-là, alors que ça n'avait pas été fait avant. Enfin, pourquoi on revient à ça et pourquoi on ne l'avait pas fait avant, en fait. Il y a plein de questions, là. Peut-être on laisse Clara répondre et puis après, vous. Ouais. Si ça vous va. Alors, sur le discours sur les foules, tu penses à Le Bon, Ten, Tarn, tout ça. Ouais, c'est un discours qui prend, il me semble, qui prend quand même beaucoup de force après la révolution, enfin d'une part après la révolution, mais surtout en fait après la commune. Tu m'arrêtes si je connais. Parce qu'en fait, moi, oui. Ce que j'ai pensé, c'était vraiment au caractère irrationnel de la foule. Oui, oui d'accord. Et à la spontanéité de laquelle vous avez parlé. Ouais. Oui, alors effectivement, dans les théories des foules, dans la psychologie des foules, telle qu'elle est élaborée au 19e siècle, effectivement, le truc central, c'est l'idée des rationalités. On la retrouve, mais peut-être sur un autre mode. On la retrouve au 18e siècle, puisque au 18e siècle, en fait, dans les archives, dans les documents de police, finalement, on peut lire tout un... Il y a tout un truc sur la question des émotions. Tout à l'heure, je vous disais, la grille de lecture qu'on applique au mouvement populaire, c'est la théorie du complot. Du coup, on fait comme si ces mouvements populaires, ils étaient le fait de personnes qui ont été manipulées, embrigadées par des meneurs. La façon dont elle se passe, cette manipulation, cet embrigadement, ça va être dû via la question des émotions. Et c'est super intéressant la question des émotions parce que les émotions, c'est pas le contraire de la raison. Et d'ailleurs, ça ne l'est pas dans la pensée philosophique du XVIIIe siècle, finalement. C'est-à-dire que, dans le discours pendant la Révolution, les révolutionnaires ont tout un discours sur Par exemple, sur la question de la résistance à l'oppression qui est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme, il y a l'idée que l'oppression, on la sent, on la ressent. Et du coup, à partir de son ressenti, de ses émotions, on va agir, et agir politiquement. Et disons que on va produire des actions vertueuses qui vont se fonder vraiment sur ce qu'on ressent, sur l'oppression qu'on ressent de façon... enfin, dans son corps. En fait, ça s'appelle la raison sensible. Il y a des historiennes qui ont travaillé là-dessus pour la Révolution, notamment Sophie Vanish. Mais dans mes documents de police, la question des émotions, elle est au contraire, elle est utilisée justement pour... Enfin, la question des émotions qu'on peut comprendre, enfin, je pense qu'il faut la comprendre de la manière suivante, c'est-à-dire que les émotions, c'est ce qui permet l'action, c'est ce dans quoi s'ancre l'action politique, c'est-à-dire que les émotions, elles, je sais pas, c'est en elles que s'enracine une vision du monde, éventuellement une urgence d'agir et d'agir en politique, mais c'est pas du tout comme ça qu'elles sont. Dont il en est parlé dans mes archives, puisqu'au contraire, au contraire, elles vont être utilisées pour disqualifier, pour détourner l'action du peuple de son sens, puisque ces émotions qui sont à la base de la constitution de ce collectif, de ce groupe émeutier agissant, elles vont au contraire voilà, être lues selon cette grille de lecture du complot comme un moteur irrationnel d'action et du coup tout le sens va se perdre justement dans cette question des émotions. Et sur l'histoire du discours sécuritaire, enfin on peut pas l'appeler discours sécuritaire, mais sur l'histoire d'être en groupe dans l'espace public, c'est marrant parce que parce qu'en fait c'est une époque. Enfin, en tout cas pour l'espace urbain à Paris, où il n'y a pas, enfin en tout cas pour le peuple, il n'y a pas d'espace public, il n'y a pas d'espace privé, c'est-à-dire il n'y a pas d'espace privé au sens où on entend aujourd'hui. Voilà, la notion d'espace privé, c'est quand même, ça correspond à l'avènement de la bourgeoisie, une certaine conception de la famille qui bouge, etc. Il n'y a pas vraiment d'espace privé, et en fait, il n'y a pas de séparation sexuelle des espaces, comme je le disais. Et en fait, les gens sont... Enfin, je veux dire, les gens sont... Ouais, les gens sont dans la rue, tout le temps, qu'ils soient hommes ou femmes. Et ce qui apparaît tout le temps dans ces archives de police, c'est la question de l'attroupement. Et c'est-à-dire que dès qu'il se passe un truc, il y a un attroupement. Enfin, en tout cas, ça s'appelle attroupement du point de vue policier, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a une façon de mettre en partage tous les petits événements, ce qui se passe, qui font que... je sais pas si... Les gens n'ont pas besoin de descendre dans la rue, en fait. Aujourd'hui, quand on dit on va manifester, on descend dans la rue, ils y sont déjà. Et donc ce truc de l'attroupement sous le regard policier, c'est assez intéressant puisque ça leur paraît tellement évident à ces policiers que dès qu'il se passe quelque chose, il va y avoir un attroupement, et que l'attroupement il est craint, puisque à partir du moment où on a un attroupement, et ben on peut avoir une émeute, etc. Il y a une vraie peur en fait de la part de la police vis-à-vis du peuple. Et ça fait partie intégrante de la définition du le côté foule, le côté nombre, le côté émeute, c'est indissociable de la définition du peuple en fait. À la limite, l'attroupement précède le peuple en fait. Dans la façon dont on le pense. Les techniques pour analyser les documents policiers, pour obtenir quelque chose qui soit plus proche de la réalité, c'est un peu la question, Une grande question. Bah si. Parce que finalement, moi je sais pas si j'y ai répondu, mais disons que en fait, y a pas de réalité en fait. Enfin, c'est-à-dire il y a des. Enfin bon, il y a pas de réalité. C'est trop rapidement dit, mais. Disons que ce à quoi on a accès, c'est des points de vue sur quelque chose qu'on pourrait appeler le réel. Et disons que moi, je ne cherche même pas à faire l'histoire, à essayer de restituer quelque chose, à faire l'histoire de ces mouvements populaires. En fait, à partir du moment où j'ai choisi de travailler sur ces archives, qui sont des archives de police, et donc qui parlent de la répression et pas de l'émeute, du coup, en fait, je travaille sur la répression et pas sur l'émeute, puisque j'ai rien qui me permet d'accéder à l'émeute en elle-même, si tant est que ce soit possible. Et du coup, finalement, je travaille sur la répression, c'est-à-dire donc comment je vais travailler ces documents. Bah, par exemple, je vais essayer de comprendre comment ils sont construits, quelles sont leurs conditions de production, quels sont tous les éléments qui font que ce qui va être consigné, ce qui va être écrit dans ces documents, ce sera ça et pas autre chose. C'est-à-dire, par exemple, si on prend ce type de document qui est les interrogatoires des personnes arrêtées, bah, je vais essayer de comprendre quelles sont toutes les dimensions qui concourent de comprendre quelles sont leurs conditions de production, c'est-à-dire pourquoi les questions posées, c'est celle-ci et pas d'autres. Coup, les questions qui sont posées, elles vont refléter le point de vue sur l'émeute qui est déjà porté a priori par la personne qui va mener l'interrogatoire, etc. Et donc du coup, comme ça va être des réponses à des questions, du coup on peut les envisager comme on peut essayer de voir qu'est-ce qui est mis en œuvre par les personnes qui vont répondre. Est-ce que, enfin, souvent elles vont mettre en œuvre forcément des stratégies de défense parce qu'elles n'ont pas envie de finir pendues, donc du coup est-ce qu'elles vont se contenter de nier en bloc? Est-ce qu'elles vont est-ce qu'elles vont parler de complètement autre chose et ça va faire durer des pages? Est-ce qu'elles vont quelles stratégies elles vont mettre en place, par exemple? Donc du coup, voilà, en fait, moi je travaille sur la répression et sur les rapports de pouvoir qui sont lisibles dans les sources, et finalement je cherche pas à dire ça s'est passé comme ça, puisqu'en fait j'en sais rien. Et la question sur pourquoi les archives judiciaires, on s'y intéresse à partir des années 70 parce qu'il y a des historiens qui commencent à s'y intéresser à ce moment-là. Pour l'époque moderne, je pense notamment à Robert Mandrou. Mais en fait, c'est surtout... disons que ça va avec un intérêt, une ouverture de champ historiographique qui sont l'histoire de la criminalité, de la délinquance, l'histoire des prisons, et en fait c'est Foucault, quoi. En tout cas ça participe de ce moment-là. C'est un moment de renouvellement où on définit toute une nouvelle série de questions en histoire sociale, de nouvelles manières de faire de l'histoire, où on s'intéresse aux marges, où on s'intéresse en pensant entre autres qu'à partir des marges on peut mieux comprendre les normes, et que ça peut éclairer notre compréhension de toute une société, etc. C'est un moment historiographique qui est assez... Ça ne veut pas dire que personne n'a utilisé cet archive judiciaire avant, mais vraiment pas de la même manière. Enfin, disons que c'est un petit peu comme ça que ça se passe, pour le dire rapidement. Mais après, du coup, ma question, c'était aussi de demander pourquoi il y a un moment où on retourne à la source primaire. Parce que tu disais que ces sources secondaires, que sont les chroniques, etc., elles sont en grande partie basées sur les archives judiciaires. Donc j'imagine que ça se voit. Ah, oui. Et pourquoi on n'est pas allé, tu vois, à partir du moment où on se questionne sur ces émeutes en elles-mêmes et sur leur répression, enfin, voilà, parce que l'émeute, c'est la répression aussi, c'est tout ça est lié. Pourquoi on ne va pas à la source primaire dès le départ? Pourquoi on considère que la secondaire, elle se justifie en elle-même? Disons que faudrait déjà qu'on qu'on les pense dans ces termes-là, c'est-à-dire sources primaires, sources secondaires. Ce qui apparaît dans ces journaux, donc dans ces, ce qu'on peut appeler ces sources secondaires, en fait, c'est pas, c'est seulement la partie visible des, de la procédure judiciaire. C'est-à-dire c'est l'aboutissement de la procédure judiciaire, c'est seulement le jugement imprimé. Donc en fait, toutes les autres archives judiciaires qui étaient tenues secrètes, elles n'apparaissent pas, du coup, par définition, dans ces journaux. Et du coup, le lien, il ne se fait pas de façon si évidente que ça. Et puis, les journaux, les mémoires, c'est des récits, quoi. C'est des narrations, ça se lit comme une histoire. Alors que quand on lit des archives judiciaires, ben, on comprend rien. Enfin, c'est des, je sais pas si, c'est comme si on lisait des procès-verbaux de police aujourd'hui. C'est plein de, je sais pas, c'est plein de formules fixes. C'est super formalisé. C'est pas des documents narratifs, c'est moins, je sais pas comment le dire, mais c'est, ouais, c'est vraiment ça a vraiment rien à voir. Je pense que ça a pas, je pense que, bah, j'imagine qu'il y a eu l'idée que voilà, on fait l'histoire à partir de choses qui sont déjà des récits, et au lieu de construire des récits à partir de documents qui ne présentent pas de récit. Et après, il faudrait voir plus, de manière plus large, sur l'histoire de, des pratiques sur l'histoire des usages des archives, en fait, et des différents types d'archives. Mais tout ce qui est mémoire chronique, c'est un peu considéré, enfin, tout ça a été considéré à un moment donné comme des sources un peu reines, puisque moi, les journaux dont je vous parlais, c'est ceux qui ont été rédigés par des bourgeois de Paris. Mais en dehors de ça, il y a aussi tout le genre des mémoires aristocratiques, des nobles qui écrivaient leur vie, leur mémoire, etc. Donc en fait, c'est un corpus qui est assez énorme. Et l'ambition de ces gens-là, au moment où vous écrivez, c'était déjà d'écrire l'histoire, en fait. Et donc, du coup, il y a une espèce d'indistinction comme ça entre les deux. Enfin, c'est presque déjà des récits historiques. Ouais. Alors, j'aurais une question, ou plutôt une remarque, mais qui m'a apparu en vous écoutant, et concernant la pratique de l'historien ou de chercheur en général, en fait. Mais je ne suis pas historienne, donc si je vais dire des conneries, vous m'arrêtez. En fait, ce qui me semble que votre présentation a soulevé, c'est que la question de ce qu'on désigne comme politique fait déjà l'objet d'un choix politique, en fait. Et que ces historiens ont peut-être ont mal saisi ça, ou ne se sont pas intéressés à cette question, mais qui pour moi me semble une question qui est d'intérêt très actuel, en fait. Et donc une recherche menée comme ça montre que peut nous permettre de remettre en question les idées ou les perceptions qu'on a. Enfin, ce que je veux dire, c'est que souvent on a l'idée que l'objet des historiens, c'est l'histoire, c'est de raconter ce qu'il y avait au XIVe siècle, XIIIe siècle et tout. Et ce que ça montre, en fait, c'est que ça peut toujours poser des questions d'actualité, en fait. Pas peut-être en termes de ce qui s'est passé ou non, mais comment on pense ce qui s'est passé, en fait. Et parce que ce que ça montre, c'est que, par exemple, c'est notre conception de la société, en fait. On voit bien que dans notre conception de la société, ou dans la conception que les historiens dont vous parlez ont, il n'y a pas de femmes. Et peut-être pas d'enfants, j'en sais rien, mais il n'y a pas de femmes, c'est pour ça qu'ils ne se sont même pas posé cette question, ils n'ont pas vu. Mais parce qu'il manque aussi dans notre société, parce que dans notre perception de la société, c'est peut-être aussi, c'est pas la, les animaux. On ne parle jamais des animaux, ou ils ne font pas partie, ils ne font pas l'objet des sciences sociales. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression, peut-être, je suis ignorante, probablement, je suis. Et je trouve ça, ça très intéressant, parce que ça, ça montre bien que j'ai l'impression que ce n'est pas l'objet de la science qui donne le sens, en fait. Mais comment on l'élabore, en fait, comment on pose des questions. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y, ouais. Oui, moi j'aurais bien voulu en fait que vous reveniez sur l'article de Deborah Cohen, en fait je l'ai pas lu, donc peut-être que la question que je vous posais, enfin, la réponse en fait. En fait, je me demandais comment dans le parallèle qu'elle établit donc entre la constitution d'un regard sur le peuple au XVIIIe et au XXIe, comment est-ce qu'elle prend en compte en fait la part de l'histoire coloniale et de l'immigration postcoloniale en France. En fait, je trouve que ça m'interpelle beaucoup parce que par exemple, je trouve que tout de suite ça pose les questions de la limite du parallélisme qu'elle établit. Parce que par exemple, la notion de spontanéité que vous avez évoquée, c'est une notion qui est beaucoup ressortie en 2005 quand il a fallu évoquer les émeutes. Mais en même temps, il me semble qu'on peut assez difficilement, qu'il y a à la fois des points communs et qu'on peut difficilement la comprendre de la même manière, au sens où, si je me souviens bien de tout ce qui a été dit à ce moment-là, la spontanéité des personnes qui étaient majoritairement en banlieue parisienne, qui étaient partie prenante de ces émeutes, elle a été rabattue sur l'idée d'une sauvagerie, voire dans certains cas d'une barbarie. Et là, on voit tout de suite le stigmate raciste, en fait, qui émerge du discours politique, médiatique, mais même du discours politique de certaines organisations, même d'extrême gauche, si je me souviens bien. Donc, ça m'interpelle pas mal, en fait, de savoir comment elle s'en sort avec cette, je sais pas si on peut parler, cette rupture de l'histoire, enfin, en tout cas, cet élément de l'histoire coloniale en France. Est-ce que ça peut modifier, en fait, sur la... Parce que ça peut modifier nous obliger à réévaluer dans l'usage des catégories. Voilà. J'aimerais savoir s'il y a des références officielles aux tortures dans les interrogatoires, s'il y a des signes de torture, et après s'il y a des journaux ouvriers qui parlent des émeutes de la répression. T'en prends une autre ou... Ouais. On fait pas ça après. Ouais. Bah ouais, je suis vraiment d'accord avec votre remarque. Peut-être juste pour dire un truc sur la question des femmes. Le fait que les historiens ne parlent pas, parfois il y a un biais androcentrique qui est assez évident, c'est-à-dire que ça les intéresse, ça ne correspond pas à l'idée qu'ils se font, donc du coup ça ne les intéresse vraiment pas. Et apparemment, il y a des sources comme ça sur la Révolution où en gros il est question des femmes, mais personne n'en fait rien dans les livres d'histoire. Et quant aux documents de l'époque, parfois, et là c'est encore un biais, mais ça l'est pour le coup, c'est le nôtre, la plupart du temps, en fait, les témoins, par exemple, les témoins en émeute, ils n'en parlent pas, mais si ça se trouve, ils n'en parlent pas tout simplement parce que... Parce que c'est évident qu'elles sont là et qu'il n'y a pas besoin de le dire. Enfin, du coup, à la fois, elles ne sont pas objets de narration, à la fois... c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'elles ne sont pas là, c'est parce qu'on parle d'autre chose. Enfin, c'est pas ce qu'on cherche à dire. Donc, c'est... ouais, il faut essayer différentes hypothèses comme ça. Et là, encore un coup, c'est... ouais. Mais sinon, moi, je suis assez d'accord avec ce que vous disiez. Deborah Cohen, j'ai pas compris, en fait, vous l'avez lu? Non, je l'ai pas lu. En fait. Ah, vous l'avez pas lu. D'accord. Disons que, en fait. Euh, Ouais, elle élabore rien de très précis sur l'histoire coloniale. Mais disons que dans le discours raciste, ben, le discours raciste c'est aussi un discours essentialiste. Je crois qu'au début de son livre, dans l'introduction, elle se lance un petit peu dans ce parallèle-là. Mais après, c'est une vraie question, c'est votre question quand vous dites qu'est-ce que l'histoire coloniale change dans l'usage des catégories, etc. Ouais, après, j'ai plus en tête ce truc. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont lu, qui... Non, Pauline, tu l'as lu ? Le texte ? Ouais. Ouais, mais alors, on lit dans le métro. oui, bon, tu l'as lu quand même. Elle parle pas de ça. Mais moi, il me semblait dans le texte que c'était beaucoup plus général, en fait. Et d'ailleurs, même les exemples qu'elle donne sont assez... c'est assez rapide, en gros, comme parallèle. C'est beaucoup plus axé autour de la question de la preuve, du rapport à la justice et de la définition du peuple et des catégories sociales, en gros. Mais c'est très général. Mais toi, tu voulais dire un truc. Non, mais moi, je l'ai pas lu non plus, en fait, mais juste ce que je me disais, c'est que c'est probablement les modalités de la dépolitisation qui sont différentes. Fondamentalement, c'est spontanéité versus politisation. Et que d'un côté, il y a le racisme, et du coup, les modalités de la dépolitisation sont effectivement avec la barbarie, etc. Et le sexisme va dépolitiser autrement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je le comprendrais un peu de cette manière-là. Et après, je pense qu'effectivement, du coup, il faudrait affiner. Mais fondamentalement, la grande opposition, c'est en quoi c'est dépolitisant. Et voilà. Ouais, donc en fait, il faudrait qu'on le relise bien pour pouvoir faire une lecture ensemble. Une question. Sur la question de la torture et des journaux ouvriers. Alors, les journaux ouvriers, c'est assez facile de répondre. Pour répondre rapidement, je pourrais dire qu'il n'y en a pas. Vous parlez du 18e siècle. Hein. Qui a fait ça ? Ouais. Au 18e siècle, avec ses pages sur l'ouvrier. Pardon ? Il y a une censure. Mais disons qu'il n'y a pas de presse. Enfin, la presse, la presse telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est quelque chose qui naît à la fin du 19e siècle, quoi. Avant, il y a quelques journaux qui sont lus par des notables, etc. Mais pour moi, la presse telle qu'on l'a aujourd'hui, ça vient de la Troisième République, la fin du 19e. Et du coup, c'est Noiriel qui parle de ça. Du coup, ça participe complètement c'est une façon aussi de... Comment il dit ? D'intégrer les classes populaires à la nation, puisque voilà, on a des journaux qui sont diffusés dans toute la France, etc. Enfin, y a pas, donc, déjà la notion de journaux, c'est pas qu'il n'y a pas de journaux, mais il y a une censure qui est très forte. Donc il y a des publications périodiques politiques qui s'expriment contre le pouvoir, mais du coup ça va plus être sur des histoires de conflits religieux, en fait. Les jansénistes vont avoir vont diffuser clandestinement leur journal, etc. Qui s'appelle les Nouvelles Ecclésiastiques. Mais de journaux ouvriers comme... Non, il y en a... pas dire qu'il y en a. Il y a des publications périodiques officielles. Il y en a qui sont censurées et qui sont normalement pas censées être vendues, mais qui le sont quand même. Mais quelque chose qui pourrait ressembler à un journal et qui serait l'expression d'une corporation de métier ou d'un d'artisan ou de salarié de tel secteur, etc. Il y a À mon avis, ça n'existe pas, en fait. Il n'y a pas de... C'est pas qu'il n'y a pas de... de... communauté professionnelle établie, unifiée, avec un discours sur elle-même, mais ça ne donne pas lieu à... Ouais, c'est assez difficile à imaginer, finalement, en fait, ce contexte politique qui est juste complètement différent. Et sur l'histoire de la torture, oui, ça existe. Il y a plusieurs types de torture. Alors, il y a deux types de torture. Il y en a un qui correspond... il y en a un qui est administré aux personnes qui sont déjà condamnées, dont on, à qui on demande de donner des complices. Donc ça, c'est des personnes qui sont sûres que déjà elles vont être pendues ou qu'elles vont mourir, et donc on les... En fait, la torture s'appelle la question à cette époque-là. Donc ça, c'est systématique. Et sinon, il y a un autre type de torture qui est administrée, si on peut dire, tout simplement pour connaître pour essayer d'obtenir des aveux. Après, c'est pas... ce type de torture-là, il n'est pas systématique du tout. Il y a quand même une vraie différence entre ce qui est inscrit dans les lois, dans les textes, et ce qui se passe réellement. C'est-à-dire que, évidemment, tous les philosophes des Lumières vont s'ériger contre la torture, etc. Mais à une époque où déjà, c'est pas qu'elle n'existe plus, mais quand même de moins en moins, puisque tout simplement on a changé de système judiciaire. Avant, on a avec ce qu'on appelle la procédure inquisitoire. Avant, on a quand même pas mal un système de justice divine ou avec le principe de Lord Dali, etc., où là, il y a des choses qui ressemblent à la torture. Et puis ensuite, on passe à un système judiciaire un peu plus... qui est censé être plus rationnel, où on déjà, la procédure, elle est écrite, on cherche des preuves, on calcule le nombre de preuves en fonction de si c'est un témoin oculaire, si c'est un témoin pas oculaire, qu'il y a un témoin, il y a des demi-preuves, des preuves pleines, des preuves, etc. Et donc c'est toute une mathématique comme ça qui fait que on se fonde quand même sur une approche de ce qui est considéré comme le crime qui est plus rationnel. Et du coup, la question de la torture, elle se pose moins, elle se pratique moins. On fait un dernier tour de questions. Tu peux commencer si tu veux. Une remarque, et d'ailleurs je ne sais pas si c'est complètement pertinent, surtout parce que j'ai pas lu le texte. Mais bon, ça m'a interpellé cette comparaison entre le 18e et le 21e siècle. Alors, c'est quand même pas commun. Et je me suis dit que c'est ce qu'elle retient donc comme critère de comparaison centrale, c'est le caractère essentialisant. Et je me suis dit, est-ce qu'en amont de ça, on ne peut pas dire que c'est... Enfin, le caractère spontané de l'émeute, s'il est décrit comme spontané, s'il est là après essentialisé par la relation d'apprécier le pouvoir, tout ça, c'est parce que les émeutiers ne sont pas en état de produire eux-mêmes des écrits, enfin, ce que vous avez dit, finalement, et que par là, on peut dire qu'ils sont en dehors de l'idéologie de leur époque. Et donc, naturellement, ils ne vont être pas considérés comme des êtres humains, parce qu'ils ne sont pas dans la production, dans la justification permanente de ce qui est considéré comme l'action politique légitime. Et donc, voilà, c'est un avis, une manière pertinente de décrire le commun entre le XVIIIe siècle et les émeutes de 2005, mais c'est à ce que Deborah Cohen en parle de manière différente, plus précise. Enfin, donc pour vous, ce serait parce qu'ils ne produisent pas de discours sur eux-mêmes et sur leur action, si j'ai bien compris. Oui, c'est une explication du terme de spontanéité, finalement. Mmh. Non, mais... Alors, là, Bah, c'est rigolo parce qu'en fait, c'était, si j'ai bien compris son travail, c'était un peu sa question de départ à elle. C'est-à-dire que la question d'acceptation de la conscience, de, est-ce qu'elle s'exprime, est-ce qu'il y a une identité populaire, etc. Est-ce qu'à un moment, il y a une élaboration par les personnes concernées d'un discours, d'une pensée sur eux-mêmes, où il y aurait une sorte d'unité de... Bah, finalement une manière de se penser en tant que classe, en fait, ça revient un petit peu à ça. Donc c'est rigolo parce que c'était un, si j'ai bien compris, c'était un peu sa question de départ, ouais. J'ai mentionné l'idéologie aussi, c'était pour faire la nuance entre le fait qu'il y ait une conscience de classe et que cette conscience soit médiatisée de manière idéologique. Par exemple, quand ma camarade a posé la question sur la suite du colonialisme et la racialisation, elle a mentionné que même dans les parties de gauche, on considérait les actes de rébellion spontanée dans les banlieues comme des choses barbares qui désignent des modes d'action politique française. Et ben, c'est justement parce qu'on a constitué finalement certaines pratiques politiques comme légitimes et que ça, c'est lié à une histoire écrite. Alors qu'au XVIIIe siècle, on a vu la majorité des gens, peut-être qu'ils avaient une conscience politique, vous avez parlé des chansons, des chants, de l'oralité, mais en tout cas, ils étaient en mesure d'exprimer quelque chose politiquement par écrit. Et ça, à mon avis, c'est plus ou moins le cas en 2005. On avait peut-être des chansons de rap qui font des événements, mais à aucun moment, il y a une théorie révolutionnaire qui s'écrit et qui se pense sur le même plan que peuvent l'avoir fait les partis politiques à la même époque. Ouais, donc en fait, on pourrait postuler que ce discours existerait, mais qu'il aurait pas pu être transmis pour des raisons matérielles, en fait. C'est ça votre hypothèse? Mais je pense que c'est deux registres de discours. C'est un discours d'une part qui est lié à la spontanéité populaire, et d'autre part quelque chose qui se théorise, quelque chose qui est relayé d'une manière dominante. Au XVIIIe siècle, je pense que c'est l'aristocratie qui parle de la société d'ordre, de la manière dont il y a certaines personnes qui sont naturellement inférieures, en prenant notamment la philosophie, tout ça. Mais en tout cas, on est dans une circulation des idées facilitée par le fait qu'on est dans une position de pouvoir qui permet le recours à l'écrit. Et en 2005, c'est la presse, c'est les médias, c'est les déclarations à la télé. Mais ça, justement, le peuple émeutier, on n'est pas capable. Enfin, en tout cas, on ne le relaie pas. Bon, après, quelque chose. Ouais, c'est vrai. Oui, enfin, je pense. Il y avait Fanny qui voulait. Non, c'est pas grave. Il y a plein d'autres personnes qui voulaient. Tu peux quand même y aller, je peux. Après, ouais, il y a des questions. Ça permet de rebondir rapidement. Mais en fait, il y avait quelqu'un qui voulait rebondir aussi. Après, tu peux rebondir. Ah, d'accord. Ouais. Elle va rebondir et ensuite tu rebondis. Non, mais juste quelques éléments. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, dans la manière dont tu poses la question, tu réintroduis une hiérarchisation, en fait. Et que... c'est-à-dire que, en fait, bon, ce que disait Clara, moi, ça a fait beaucoup écho à mes propres recherches sur les ouvrières en France depuis 1968, et où elles arrêtent régulièrement de travailler pour cause de crise de nerfs. Donc c'est spontané, c'est absolument incompréhensible par les syndicats, qui d'ailleurs pensent que c'est des trucs de bonnes femmes, qui n'ont absolument aucun sens, et ils sont complètement dépolitisés, et voilà, ils n'ont aucune marge de manœuvre là-dessus. Et en gros, fondamentalement, je pense que la question, c'est qu'effectivement, tout le système fait qu'effectivement, ce discours-là, il n'a pas été retransmis d'une certaine manière, mais de fait, c'est un discours quand même à égalité. Peut-être que j'ai pas bien compris exactement le sens de l'intervention, mais moi j'ai l'impression que en le posant de la manière dont tu le poses, ça réintroduit une hiérarchisation et une question. La hiérarchisation, moi je la reliais au fait qu'il y a des rapports de pouvoir. Oui, bien sûr. Après, pour moi c'est un discours tout à fait légitime, simplement que si la paix est transmise, et si justement on veut parler d'essentialisation et d'une spontanéité bestiale du bas peuple. C'est justement qu'il y a ce pouvoir, cette hiérarchie qui existe et qui bloque finalement la prétention politique du peuple. Ok. J'avais une question très pratique, mais j'ai raté tout le début, donc je suis un peu désolé, c'est possible que vous en avez parlé. Ça permet de rebondir une première fois sur les journaux ouvriers. En termes de journaux, de presse quotidienne, c'est sans doute fin du 19e, mais il me semblait qu'il y avait pas mal de revues ouvrières avant ça, et tout le boulot de Rancière, notamment, dans la nuit des prolétaires, notamment sur la route populaire, qui démarre dans les années 1830. Et donc ma question là-dessus, c'est est-ce qu'il y avait ce type de revue-là au XVIIIe siècle ou rien du tout? Et de là, du coup, j'en viens à ma question qui est revenue une deuxième fois sur ce, je ne sais pas comment on peut appeler ça, les sources primaires, primordiales, je sais pas. Mais en gros, la parole directe de ceux qui vivent l'émeute, ou disons la rébellion ou quoi. Donc, est-ce que s'il n'y a pas ces revues-là, mais est-ce qu'il y en a d'autres, ce qui seraient des récits directs, même si c'est, ce serait des récits d'abord oraux, peut-être qu'aurait pu être retranscrit ensuite, mais il me semble qu'il y avait aussi des émeutiers qui devaient savoir écrire à l'époque, au 18e, donc voilà, parce qu'il n'y a pas eu ce genre de tentative. Et il me semble que ça a une certaine actualité, parce que justement, les émeutes de 2005, c'est quelque chose qui a été. On a entendu que, en gros, la circulation se faisait essentiellement par la reproduction, la compétition entre les voitures brûlées. Mais justement, il y a eu un certain nombre de textes de produits, et pas que les chansons de rap. Il y a eu des recueils de faits, notamment par la bande Abadiou à l'époque, et qui récoltait aussi les fruits de ce qu'ils avaient fait dans les révoltes logiques, qui était un peu le même processus les années 70. Et du coup, voilà, il y a eu des textes de produits directement par les émeutiers. Voilà. C'était pas juste des chansons-là. Alors le truc, c'est que c'est pas du tout médiatisé, donc ça a peu de présence, mais voilà. À toi, super rapidement, parce qu'on va se revenir. Alors, pour revenir rapidement, encore une fois, sur la première intervention. Voilà, j'ai un peu lu le texte, donc voilà, environ un tiers. Et d'après ce que j'ai compris, ce qu'elle avance comme idée du fait qu'il y a une essentialisation justement du peuple, c'est vrai aussi du fait que le peuple n'est plus défini selon des causes matérielles, c'est-à-dire qu'à partir de la Révolution française jusque dans les années 80, en fait, le peuple c'était synonyme de prolétaire. Il était défini par sa relation aux forces productives. Et donc là, c'était plus facile. Enfin, et après, après la désindustrialisation, forcément, le peuple, en fait, il n'a plus de définition économique, mais on retrouve une définition qui serait donc essentialiste, comme dans une société pré-industrielle, qui serait divisée en ordre entre l'aristocratie et le peuple. Donc c'est à peu près ça, ce que j'ai compris. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et sinon, ma question, qui est assez rapide, si je voulais savoir, en fait, Eric Osmo a aussi écrit, je crois, un livre sur les primitives de la révolte, ouais. Je crois. Et du coup, je voulais savoir quel était son point de vue, parce que moi, je ne l'ai pas lu, du coup. Ouais. Et quel était son point de vue, justement, sur les premières émeutes, sur les émeutes du 18e. J'ai le temps. T'as 30 secondes. Ouais, donc, t'as du temps, mais un peu. Ça a pas fait. Hiérarchie. Ouais, je vais pas. Enfin, si j'ai 30 secondes, en fait, je vais pas réussir à répondre à votre question sur cette idée que est-ce que les émeutiers ont écrit. Ben non. Et enfin, disons que l'écrit a pas le même statut qu'aujourd'hui et ce qui caractérise quand même la justice, c'est que c'est aussi sa maîtrise de l'écrit. Enfin, c'est un truc, c'est-à-dire un pouvoir de laisser une trace en fait, et de la transmettre, puisque c'est des papiers qui existent encore aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose de super fort en fait. Enfin, des émeutiers qui ont écrit, non. Et sur le pourquoi, en 30 secondes, je ne vais pas y arriver. Mais sinon, il y a des gens qui sont intéressés effectivement à tout ce qui est mode de transmission qui ne serait pas l'écrit pur et dur auquel on pense spontanément, qui serait plus effectivement une tradition orale, chanson, machin, qu'est-ce qu'il en reste. Je crois qu'il y a des gens, des historiens à Caen et des historiennes à Caen qui ont tenté un truc là-dessus. Mais c'est assez peu... C'est assez peu travaillé, donc tout simplement parce qu'il y a peu de support. Et s'il n'y a pas de matériaux, c'est pas par hasard. C'est aussi c'est le point de vue des vaincus, sa transmission, c'est toujours un peu problématique par définition. Mais et du coup, on rejoint un petit peu l'histoire de la question du texte, texte caché. En fait. Le texte caché qui est à la fois caché au dominant et. Nous avons au séminaire. Oui, oui, bien sûr. Bon, bah merci beaucoup. Et la semaine prochaine, c'est qui la semaine prochaine? C'est la semaine d'après. C'est Laure Pitty. Ah, et la semaine prochaine, on recevra Laure Pitty sur la médecine ouvrière.